Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Notre Dieu est un grand Dieu. Il faut que tu aies maintenant la vision des grandes choses. Il faut que ta vision change. Oui, lorsque tu as toujours des petites visions, tu as peur d'avancer. Maintenant, je vais parler à un couple. Je parle à quelqu'un. Écoute ta femme maintenant. Et cette femme-là, Dieu te l'a donnée parce qu'elle a une grande vision. Elle peut t'amener à entrer dans une grande dimension des affaires. Accepte les idées qu'elle te propose et priez l'Éternel et vous verrez de grandes choses s'accomplir. Réveille-toi, mon ami. Réveille-toi, ma sœur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Juges, chapitre 5, 1 à 13. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Juges 5, 1 à 13. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. En ce jour-là, Déborah chanta ses cantiques avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince. Prêtez l'oreille, je chanterai. Oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis des Séirs, quand tu t'avanças des champs des dents, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. C'est Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel, vous qui montez des blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix, leurs archers d'humilier des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et mène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Apprenons à bénir l'Éternel et à lui rendre toute la gloire pour les victoires qu'il nous accorde. Lorsque Dieu t'a donné une victoire, lorsque Dieu t'a béni, lorsque Dieu t'a élevé, mon ami, ce que tu dois faire, c'est d'abord d'organiser, par exemple, un culte à l'honneur de Dieu. Pour le bénir, pour lui rendre toute la gloire, pour reconnaître que c'est lui qui t'a béni, pour reconnaître que c'est lui qui t'a élevé, pour reconnaître que les postes que tu occupes là, les bénédictions qu'il te donne, la maison que tu viens d'acquérir, même en Europe, aux États-Unis, que celui qui te l'a donné, tu vois, il ne faut pas se frapper la poitrine. Nous voyons donc l'exemple de Déborah. Lorsque Déborah a eu la victoire sur le roi de Canaan, elle a chanté un cantique, non en son honneur, mais en l'honneur de l'Éternel. Apprenons à rendre gloire à Dieu. Le verset 1 dit, « En ce jour-là, Déborah chanta ses cantiques avec Barak, fille d'Abinoam. » Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Les peuples s'est montré prêts à combattre. Le verset 2 à la fin dit « Bénissez-en l'Éternel ». Cela veut dire cette victoire que nous venons d'expérimenter revient à l'Éternel. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu viens d'avoir ton agrégation. En tant que professeur, sache reconnaître en tant que chrétien. Il faut que lors de la célébration, tu apprennes à glorifier le nom de Dieu pour que tout le monde sache que ce diplôme que tu viens d'avoir, ça vient de l'Éternel. Déborah dit au verset 3, « Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Il montre que ce Dieu qui s'est levé pour combattre. Verset 4, « Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, les cieux se fondirent, les nuées se fondirent en eau, les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. » Apprenons à rendre toute la gloire à l'Éternel pour ce qu'il fait pour nous. Deuxième vérité nous montre les caractéristiques du règne de l'oppression, du règne des ténèbres, du règne de la guerre. Vous voyez, ici, il y a quelques indices. On nous dit d'abord, le route était abandonné. Verset 6, au temps de Shamgar, fille d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. N'est-ce pas ce que nous voyons quand nous vivons des moments de guerre, où les richesses sont pillées, où il y a certaines routes qui sont impraticables, où il y a ce qu'on appelle des coupeurs de routes. C'est pendant les moments de guerre. C'est pourquoi nous ne devons jamais souhaiter nos guerres dans nos nations. Il dit, les routes étaient abandonnées. Ceux qui voyageaient prennent des chemins détournés. Le voyage devient difficile parce qu'il y a des routes qui sont dangereuses, impraticables. Deuxièmement, on dit les chefs sans force. Deuxièmement, on dit les chefs étaient sans force. Verset 7, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Ça veut dire c'est l'ennemi qui avait les dessus. Même lorsque nous avons une armée, lorsque c'est les reines des ténèbres, nous allons voir que même nos dirigeants, ils seront sans force. Parce que l'Éternel ne règne pas, l'Éternel n'intervient pas. Même les armes ne peuvent rien faire. C'est pourquoi ici, Déborah dit dans son cantique, au verset 8, « Il avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 000 milliers en Israël. » Mais il y a une vérité importante que Déborah souligne aussi ici, c'est que la guerre peut être la conséquence de notre désobéissance à Dieu. C'est ce que nous voyons souvent dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. La plupart des guerres étaient dues au fait que Israël s'est détourné de l'Éternel en adorant d'autres dieux. Alors Dieu suscitait des ennemis maintenant pour dominer sur eux. Ça peut être le cas aussi aujourd'hui. La plupart des problèmes que nous avons, même dans nos nations, dans nos villages, ça peut venir du fait que nous nous détournons de Dieu. Nous nous tournons encore vers le Dieu des ancêtres, vers les libations. Nous invoquons des esprits de mort. Ces choses irritent l'Éternel. Et parfois, Dieu peut susciter la guerre juste pour nous confondre. Regardez parfois la plupart de nos équipes africaines. Au lieu de compter sur Dieu, au lieu de chercher à s'entraîner comme il se doit, il y a ceux qui passent leur temps à chercher des marabouts. Si c'est les marabouts qui donnent des victoires, alors nous serions déjà champions du monde. Non, parfois c'est Dieu qui nous ridiculise pour nous montrer que nos fétiches ne suffisent pas, sont incapables. Si c'était nos fétiches, si c'était les maraboutages qui donnaient la victoire, mais nos armées africaines seraient les plus puissantes. Non, c'est la vanité. Le verset 8 dit, « Il avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. » Troisième vérité, Dieu est capable de nous donner la victoire sur les puissants, sur les héros. Je veux parler à un frère, écoute-moi bien. Il y a quelqu'un qui te combat. Les gens te disent qu'il est très loin dans le mysticisme. Il est quelqu'un qui a éliminé les gens. Il y a même quelqu'un qui t'a maudit, qui a dit que tu ne vas pas arriver à la fin de l'année. Mais laisse-moi te dire, si tu appartiens à Jésus-Christ, non seulement que tu ne vas rien ne va t'arriver parce que le Seigneur va te protéger, mais l'Éternel te donnera la victoire sur les puissances qu'il utilise. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu comprends? Il est dit ici, au verset 12 et 13, « Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique, lève-toi, Barak, et émène tes captifs, fils d'Abinoam. » Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros, Dieu est capable de te donner la victoire sur les héros, c'est-à-dire que les gens qui sont redoutés, redoutables. Mais à cause de celui qui est en toi, à cause du nom de Jésus, ils ne peuvent rien te faire. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, il prie et il tombe. N'aie pas peur de cette tante qui t'a défié, qui a dit que ton mariage ne sera jamais possible. Mais j'aimerais te dire dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel va renverser tous ses projets. Au nom de Jésus. N'aie pas peur de cet oncle qui a dit que tes enfants échoueront. Ils n'auront pas de travail, ils n'auront pas de diplôme. Au nom de Jésus-Christ, ces paroles, tu vas annuler ces paroles. Tu vas déclarer que celui qui est en toi, il est plus puissant que celui qui est en lui. L'Éternel est capable de te donner la victoire sur les puissants, sur les héros, comme il a donné la victoire à Déborah. Au peuple, au faible peuple, il est dit, un reste du peuple triompha des puissants. Tu peux être considéré comme reste, comme un reste faible, méprisé. Mais spirituellement, celui qui est en toi est puissant. Les gens auront peur de toi. Les démons auront peur de toi. Les sorciers auront peur de toi. Parce que Jésus-Christ, il est au-dessus de tout nom. Alléluia. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Le plus beau des poèmes, oh, la plus belle des chansons. Oh non, c'est celui-là que j'aime. Et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. salut pour les humains. Oh, ton nom qui apportait la paix. Ton nom, c'est le roi qui revient. Symbole d'éternité, je les glorifierai et je les enterrerai, je les proclamerai. Gloire à Dieu, bénissons le Père, bénissons Jésus-Christ, bénissons le Saint-Esprit, lui qui combat pour nous. Élevons nos voix. Sois béni, éternel notre Dieu, toi le Dieu qui nous donne la victoire. Oui, tu es celui qui nous donne la victoire sur nos adversaires qui sont plus puissants que nous. Tu es celui qui nous fait triompher. C'est pourquoi nous te bénissons, notre Dieu. Nous te glorifions. Toi le puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable. Nous te bénissons, ô notre Père, notre Dieu, notre Seigneur. Toi, notre délivrance et notre victoire. Tu es celui qui nous délivre et qui nous élève. Oui, tu nous élèves au-dessus de nos adversaires. Tu places une table devant nous, en face de nos adversaires, et notre coupe déborde. On soit magnifié, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui nous accompagne tous les jours de nos vies. Nous t'élevons en ce moment et nous te glorifions pour tout ce que tu es pour nous. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Le texte d'aujourd'hui, c'est Juges 5, 1 à 13. Nous venons de voir que nous devons apprendre à bénir l'Éternel et à lui rendre toute la gloire pour les bénédictions, pour les victoires qu'il nous donne. Oui, si tu as expérimenté la main de Dieu dans un domaine ou dans un autre, il t'a donné de l'emploi, il t'a donné un mari, une femme, il t'a donné les enfants. Il t'utilise dans le ministère, dans l'œuvre. Tu as expérimenté une grande victoire. Apprends à lui rendre toute la gloire et à lui dire merci pour ce qu'il a fait. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous venons de voir les caractéristiques du règne de l'ennemi, le règne de l'oppression. Les routes sont abandonnées, on est sans force, sans bouclier. Et nous venons de voir que parfois la guerre peut être la conséquence de notre désobéissance. Demandons pardon au Seigneur. C'est tout pour nos pays africains, pour nos nations. Chaque fois que nous sommes détournés de Dieu. Et parfois c'est un problème qui arrive sur le plan national, peuvent être la conséquence de notre désobéissance. Portons nos nations entre les mains du Seigneur. Portons même nos dirigeants et repentons-nous de toutes les pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Prions pour tous les pays qui sont en guerre, que ce soit la guerre civile, que ce soit les guerres ethniques, que ce soit les guerres d'occupation, que l'Éternel puisse mettre sa main pour arrêter ces choses au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Bénissons ton nom ce matin. Nous reconnaissons ta seigneurie, ton autorité. Tu es le Dieu de toute grâce, de toute faveur, de toute miséricorde. Amen, hein? Malgré notre infidélité, tu demeures fidèle. Amen. Et le pardon se trouve auprès de toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes amers par rapport à ce que nous vivons dans nos pays africains. La guerre partout. Les famines, les affrontements, ô Seigneur, l'adversité à cause du pouvoir. Nous prions ce matin, comme Daniel l'a dit dans le chapitre 8 de son livre, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu. » Et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis d'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Merci Seigneur, nous te demandons pardon, nous te supplions de nous laver et nous pardonner au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est capable de nous donner la victoire sur les puissants, sur les héros. Tu vas prier le Seigneur, peut-être que tu as peur parce qu'il y a quelqu'un qui t'a défié, il y a quelqu'un qui t'a lancé un défi. Il va te dire que tu vas mourir, tu vas révoquer ces paroles-là, tu vas annuler ces puissances-là, tu vas combattre ces esprits sataniques, démoniaques, qui te poursuivent, qui poursuivent ton mari, qui poursuivent ta femme, qui poursuivent tes enfants, au nom de Jésus, et tu déclares leur défaite, au nom de Jésus, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Prions le Seigneur. Béni sois-tu le ressuscité, l'alpha et l'oméga. Père, merci parce que toutes les paroles incantatoires, toutes les paroles de menaces qui ont été proférées contre mon frère, contre ma sœur, ces paroles sont sans effet au nom de Jésus-Christ. Pendant que mon frère ou ma sœur s'exerce à la piété, Père, je déclare que ce mois est un mois profitable. Pendant que mes frères et sœurs qui écoutent cette émission s'engagent à vivre une vie studieuse, une vie avec le Seigneur, une vie dans sa parole, toutes les méchantes paroles prononcées par qui que ce soit sont sans effet. La Bible dit que je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Père, merci, parce que ces paroles méchantes, ces paroles des mystiques et des sorciers, ces paroles qui sont de la lignée de nos parents, nous annulons ces paroles, nous détruisons ces paroles par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous reconnaissons que la L'ADN de Jésus-Christ en nous. Le pouvoir de Jésus-Christ est en nous. La dimension de Jésus-Christ est en nous. La force de Jésus-Christ est en nous. Le sang de Jésus-Christ nous garde et nous protège. Et toute captivité de l'enfer autour de nous, toutes les méchantes paroles sont détruites, sont effacées. Notre santé germe. Nous bénéficions de la direction divine. Nous sommes arrosés de la grâce de Dieu. Et nous allons progresser, nous allons évoluer, nous serons dans la vie, nous continuerons d'exercer notre travail, nous allons nous marier et nous allons avoir des enfants. Père, merci, parce que tu es Dieu et avec toi, nous sommes gardés à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre rencontre Bonheur Conjugal de ce dimanche 29 mai à partir de 16h au CPE. À Cocody, Cité des Arts, nous allons parler de la persévérance pour avoir la victoire. L'entrée est libre à partir de 16h, premier service et deuxième service à 18h. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.